gros splinter. Attaquant. TTR gros. La réplique. Bro, Nimzo. On fait les choses. La grosse que je vois et vis tous les jours, c'est ce que je te rapprête demain. Des trophées, des défaites, des faits divers, du coup des rois en moins. On navigue dans la ville aux 30 000 délits, près de chez moi quand ça tire. Ça parle en dinar, fini le délire. J'suis loin de leur peur apathétique, c'est des suceurs qui ont pas d'éthique. Et pendant ce temps, moi j'perds à tout ce que voient mes yeux, cette atmosphère chaotique. C'est rare que je m'entende pas avec le frère qui pose. Ouais, c'est rare comme quand je pars en vacances ou bien que je me mette en mode pause. Depuis qu'il pleut, c'est dans la merde qu'on nage les poings liés. Par milliers, raison que ton pote il part d'une voiture bélier. L'amitié, c'est comme la chance, gros. C'est face ou pile, toujours fait ce qu'il a son prix. Comme mon daron, je fais face au pire. Je vois mon avenir s'assombrir comme mes poumons après chaque buzz. Vision chaotique comme quand un pote te baisse. Depuis l'époque, j'ai pas changé. Tu t'aventures sur champ de mine. Tu frappes à terre la vérité, ça vient des bas-fonds de Brooklyn. Splinter, quand les on a vision du chaos. Paro, je déverse ma haine dans le paro. Eh hey gros, ils ont attendu que je coupe pour tendre la perche. Garde la pêche, on m'a dit reste serein ou bien tu t'allumes la mèche. Ruelle obscure, c'est ça le thème. Quand je rappe, je t'amène doucement et je sens peine. Mon gars, nous compare pas à tes bolos qui font de la lèche. Ils écrivent avec un stylo dans le cul, pour ça qu'ils font de la merde. Dans le coma, ouais. Le fric tient les commandes. Sans sortir, comment on s'arme à les commandes. Commande, comment je fais que des miettes, comment je trouve Marianne, pas que je lui donne que mon gros manche. Nous ici, la lumière, on peut pas la voir. C'est comme le bif, dis-moi qui finit par la voir. Je pars pas la douane, n'élève pas la voix. Tu vas finir comme Coluche ou Balavoine. Splinter, mais comme la gâchette qui se compresse. Vision chaotique, c'est le calme avant la tempête. Man, j'attends mon heure de grâce et le temps presse. Petit, surtout fais pas ce que je dis, je suis pas ton père. Ils nous regardent de haut, c'est pas nos amis. Depuis jeune, que de la merde en panoramique. Je trouve l'esprit dans mes rues, pas à Miami. Pour m'évader, je fume la verte, un panoramique. Splinter, quand les on a vision du chaos. Paro, je déverse ma haine dans le paro. Eh hey gros, ils ont attendu que je coupe pour tendre la perche. Garde la pêche, on m'a dit reste serein ou bien tu t'allumes la mèche. Ruelle obscure, c'est ça le thème. Quand je rappe, je t'amène doucement et je sens peine. Mon gars, nous compare pas à tes polos qui font de la lèche. Ils écrivent avec un stylo dans le cul, pour ça qu'ils font de la merde. J'écris des lignes sans m'arrêter quand je pense qu'à dérouiller la rythmique. Trop de vision chaotique, comme un choix qui devant tes yeux speed. Des yeux sont comme ce schmick qui nous croit potentiellement suspect. Dealer de shit, voleur de sac ou bien tireur embusqué. J'suis comme mon stylo. J'ai coulé où j'avais papier, marqué le beat et le mic et ma gueule. J'crois que mon arrivée, ils étaient pas prêts. J'attends la victoire de ce la défaite est trop amère. Ils écrivent avec un stylo dans le cul, pour ça qu'ils font de la merde. Splinter, quand les on a vision du chaos. Paro, je déverse ma haine dans le paro. Eh hey gros, ils ont attendu que je coupe pour tendre la perche. Garde la pêche, on m'a dit reste serein ou bien tu t'allumes la mèche. Ruelle obscure, c'est ça le thème. Quand je rappe, je t'amène doucement et je sens peine. Mon gars, nous compare pas à tes polos qui font de la lèche. Ils écrivent avec un stylo dans le cul, pour ça qu'ils font de la merde. La vision du chaos, déverse ma haine dans le paro. Ils ont attendu que je coupe pour tendre la perche. On m'a tiré serein ou bien tu t'allumes la mèche. C'est ça le thème. Mais je sens le thème. Compare pas à tes polos qui font de la lèche. C'est ça qui font de la merde.